Rahim. Donc on continue dans la lecture de la vie de Khatib al-Baghdadi, rahimahullah. On fait une parenthèse ici par rapport à ce qu'on a vu à propos de sa aqida, c'est-à-dire la voie et la croyance de Khatib al-Baghdadi. On voit ici que Khatib al-Baghdadi, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّفَاتِ فَرْعُ الْكَلَامِ فِي الذَّاتِ وَيَحْتَذِي فِي ذَلِكَ حَذْوَهُ. Une première règle, le fait de parler sur les attributs d'Allah, c'est comme parler sur l'être d'Allah. Si on dit qu'on croit en Allah sans avoir besoin de l'interpréter, alors de même on peut croire à ses attributs sans avoir besoin de les interpréter. Comme on a dit Allah, on y croit tout, et on le croit être différent de ses créatures, on en fait de même pour ses attributs, et donc il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, quand vous observez, quel exemple il a cité Al-Khatib al-Baghdadi dans les sifat? Il a cité Al-Yad, Al-Sam' al-Basar. Il a cité la main, l'ouïe et la vue. Sachant que Al-Yad, ça fait partie de Al-Sifat al-Dhatiya, donc les attributs rattachés à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, que renie Al-Asha'ira, alors qu'ils attestent Al-Sam' wal-Basar. Et lui, Al-Khatib, il a bien montré qu'il atteste les trois, la vue, l'ouïe et la main. Ce qui attire notre attention sur quoi? Sur le fait qu'au sein des sifat, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre certaines sifat et d'autres. Et quand on voit le premier point et ce deuxième point, c'est les deux grandes règles qu'a cité Ibn Taymiyyah rahimahullah dans At-Tadmuriyya. Et les deux grandes règles qui font qu'on comprend la croyance dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première c'est Al-Kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dhat. Parler sur les attributs d'Allah, c'est comme parler sur l'être d'Allah. La deuxième, Al-Kalam fi sifat, Kal-Kalam fi al-Ba'd al-Akhar. Yani Al-Kalam fi Ba'd al-Sifat, Kal-Kalam fi al-Ba'd al-Akhar. Le fait de parler de certains attributs, c'est comme parler des autres. On n'a pas le droit de dire cet attribut-là, je l'atteste, et l'autre, je le détourne. Je crois qu'Allah y voit, mais je ne veux pas croire qu'il a une main. Alors que tout ça, ça a été cité de la même façon. Et bien ces deux règles qu'il cite Al-Khatib al-Baghdadi, c'est exactement ce qu'il va reprendre Ibn Taymiyyah. Donc on voit ici qu'Ibn Taymiyyah il n'a rien ramené de nouveau. Et encore, il n'y a pas que le Khatib qui a cité ça, mais là au moins on a un exemple de savant, en l'occurrence du 5e siècle, qui a cité ce genre de règles. Manaqibuhu wa akhlaquhu. Donc on va voir quel caractère, noble caractère de Abu Bakr al-Khatib. كان تاليا لكتاب الله. Il lisait beaucoup le Coran. Wari'an. C'était quelqu'un. Il avait le wara, la piété. C'est-à-dire, il s'écarte non seulement des interdits, mais aussi des choses qui sont douteuses. Et il prend des précautions. Afif al-Nafs. Il était chaste et préservé. Mutawaddi'an. Il était humble. Kariman. Il était généreux. Amilan bi'ilmihi. Et ça résume tout. Il agissait en conformité de ce qu'il savait. Il appliquait sa science. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ عِفَّتِهِ وَعَدَمِ حِرْسِهِ عَلَىٰ الدُّنْيَا مَا جَاءَ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ. Là, il va citer une histoire qui montre à quel point il était détaché de la vie d'ici-bas. Tawfiq. وَعَنْ عُمَرْ عَنْ عُمَرْ عَنْ نَسَوِي ou عَنْ نَسْوِي, je ne sais pas comment on prononce ce nasab. قَالَ كنت في جامع صور عند الخطيب فدخل عليه بعض العلوية وفي كمه دنانير وقال الخطيب وفي كمه دنانير وقال للخطيب فلان وذكر بعض المحتشمين من أهل صور يسلم عليك ويقول هذا تصرفه في بعض مهماتك. Donc il raconte un témoin que un alawite, c'est-à-dire un descendant de Ali, donc ils étaient connus à l'époque, ils se distinguaient, il y avait l'Abbasiyin, l'Umawiyin, l'Alawiyin. Il est venu voir Al-Khatib dans la mosquée avec de l'argent, des pièces d'argent dans sa manche. Et il lui a dit, voilà un tel, et il a cité quelqu'un de vertu, te dit, assalamu alaik, et voici une dépense pour toi, pour les choses qui te sont importantes. Et donc il voulait sortir les pièces. فقال الخطيب لا حاجة لي فيه وقد طاب وجهه. Al-Khatib lui a répondu, j'en ai pas besoin. Et il a renfrogné son visage. Faqal al-Alawi, fatasrifuhu ila ba'di ashabik. L'autre, il lui a dit, bah, donne-le à un de tes proches ou un de tes compagnons. Qul lahu yasrifu ila man yurid. Il lui a répondu, dis à celui qui les a envoyés de les donner à qui il veut. Faqal al-Alawi, ka'annaka tastaqilluhu. قال ونفض كمه على سجادة الخطيب وطرح الدنانير عليها وقال هذه 300 دينار. Donc il lui a dit كأنك تستقله, c'est-à-dire peut-être tu crois qu'il n'y a pas grand chose, et il a secoué sa manche et il a sorti 300 dinars. Pour l'époque c'était énorme, sur le tapis de al-Khatib, et il les a, c'est-à-dire il les a mises par terre. فقام الخطيب محمر الوجه. Al-Khatib, son visage il est devenu tout rouge et il s'est levé, c'est-à-dire de colère. Il a pris son tapis, il a jeté les pièces et il est sorti de la mosquée. Et le témoin il dit, je n'oublierai jamais la fierté de l'Khatib quand il est sorti de la mosquée et l'humiliation qu'a subi ce Alawit alors qu'il était assis en train de ramasser les pièces d'or par terre. Et il les ramassait sur le sol. Bon, bien sûr, pourquoi il les a refusés? Est-ce qu'il y avait une cause politique? C'est possible, Zakallahu Khair. C'est possible du fait que, comme on l'a vu déjà auparavant, l'Alawiyin, ils étaient en conflit avec l'Abbasiyin, c'est peut-être ça le secret de cette histoire. Sinon, il n'y aurait pas de raison qu'il l'humilie à ce point. Mais c'est peut-être parce qu'on sait que l'Alawiyin, il cherchait souvent à renverser l'Abbasiyin. Et on a vu que l'Khatib, il est en bonne relation avec le gouvernement qui était des Abbasiyin. Wallahu a'lam. Thana'ul ulama'i alayh. Les louanges et les éloges des savants à propos d'Al-Khatib. Qal al-Hafidh Abu Bakr ibn Nuqta al-Hanbali. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. Ça c'est une phrase qui est très connue, qui est beaucoup reprise. C'est un cheikh qui disait, toute personne qui est équitable, c'est-à-dire qui dit la vérité, sait que les savants du hadith sont des enfants des livres de al-Khatib. C'est-à-dire tous les savants du hadith qui sont venus après lui ne sont que des enfants de ses livres. Parce que Al-Khatib, si vous voulez, dans les sciences du hadith, il représente à lui seul une grande étape en ce qui concerne les sciences du hadith. Parce que les sciences du hadith, elles étaient pratiquées, elles étaient transmises, mais personne jusqu'à lui ne les avait, écrites, mises à l'écrit, et classifiées, et bien ordonnées, et élaborées comme il l'a fait Al-Khatib. En divisant bien les différentes disciplines, chacune à part de l'autre, et en écrivant beaucoup à ce sujet. Donc c'est pour ça que tous les savants qui sont venus après, et tous les gens du hadith, ils ont utilisé, et ils reviennent forcément, aux travaux d'Al-Khatib. De même que par la suite est venu Abu Amr ibn Salah, et il a écrit, ou plutôt il a dicté un livre qui n'est pas très grand, Al-Muqaddima, en fait qui s'appelle Ulum al-Hadith, et qui est fortement basé sur les travaux d'Al-Khatib. Et ce livre d'Ibn Salah, il a été la base des travaux des savants d'Égypte après, et jusqu'à notre époque, c'est les livres qui sont le plus étudiés et le plus utilisés dans les sciences du hadith. Donc la science du hadith, elle a eu des grandes étapes. Une des grandes étapes, c'est le Khatib tout seul. Le Khatib al-Bardidi tout seul, c'était une grande étape dans les sciences du hadith. Avant lui, il y a eu Al-Hafidh al-Ramahumuzi, au 4e siècle, qui est le premier à avoir écrit dans son livre Al-Muhaddith al-Farsi, un livre sur ce qu'on appelle Mustalah al-Hadith. C'est-à-dire les sciences du hadith, il a écrit un livre qui ne concerne que ce sujet. Alors qu'auparavant, les sciences du hadith, on pouvait les trouver écrites, mais dispersées dans des écrits. Il n'y avait pas un livre qui parle de ça. On pouvait en trouver des traces dans la Risala de l'imam Shafi'i, dans les différentes introductions des livres de hadith, comme Muqaddimat Sahih Muslim, l'introduction de Sahih Muslim, ou alors des insinuations, comme dans Kitab al-Ilm de Sahih al-Bukhari, ou dans les livres qui parlent sur les bonhommes, dans certaines introductions. Mais jamais un livre écrit sur ça. Et c'est Ar-Ramah al-Muzi qui l'a fait le premier. Et comme d'habitude, le travail, quand il est fait en premier, ben, il n'est pas bien fait. C'est-à-dire, c'est comme un essai, comme un brouillon, on va dire. Et le khatib, lui, il a fait vraiment un travail de élaborer, plus élaboré sur ce sujet. Donc c'est pour ça qu'il a dit cette phrase, ce savant, toute personne qui parle et qui est juste, man ansafa, il sait que les gens du hadith sont les enfants des livres de khatib. وقال ابن ماكولا وهو أحد تلاميذه كان أبو بكر آخر الأعيان ممن شهدنا معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفننا في علله وأسانيده وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره ومطروحه ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدارقطني مثله سألت أبا عبد الله الصوري عن الخطيب وأبي نصر السجزي أيهما أحفظ ففضل الخطيب تفضيلا بينا. Là, c'est une parole d'Ibn Makula, qui était un savant et un des élèves d'Al-Khatib al-Baghdadi. Il a dit Abu Bakr, kana akhir al-a'yan. C'est-à-dire, c'était le dernier des grands ulama, des grands noms, entre guillemets. Parmi ceux que nous avons vus, dans la connaissance, dans la mémoire, dans la maîtrise du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans al-tafannun, c'est-à-dire sa science dans différentes branches, fi ilalihi wa asanidihi, en ce qui concerne les défauts, l'ilal, des chaînes de transmission, et la connaissance des asanid, c'est-à-dire des chaînes de transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi au niveau de sa science, en ce qui concerne qu'est-ce qui est authentique, et qu'est-ce qui a rejeté des hadiths, qu'est-ce qui est gharib, qu'est-ce qui est munkar, c'est-à-dire qu'est-ce qui est... Bon, c'est pas grave, on va pas traduire parce que c'est du lexique en fait. C'est des catégories de hadith, on va dire. En gros, il savait bien distinguer quel hadith est authentique de celui qui ne l'est pas et pourquoi. Et il connaissait parfaitement et il avait une profonde connaissance à propos des chaînes de transmission et les défauts qu'elles peuvent avoir. Et il dit, cet élève, les gens de Bagdad n'ont pas eu quelqu'un comme Al-Khatib depuis Abu al-Hassan al-Daraqutni, qui était au 4e siècle. Donc ça, c'est une éloge immense, parce qu'al-Daraqutni fait partie des plus grands imams du hadith. Après, il lui a dit, j'ai demandé à Abdullah al-Souri, est-ce qu'il préférait Al-Khatib ou Abu Nasr al-Sijzi, et il a préféré largement Al-Khatib. Wa qala al-Mu'taman al-Saji, ما أخرجت بغداد بعد الدار قطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. Un autre savant disait, Bagdad n'a jamais fait sortir d'elle depuis Dar Qutni quelqu'un de plus ahfad, c'est-à-dire de plus savant dans le hadith, un plus grand mémorisateur que Al-Khatib depuis Dar Qutni. وقال أبو إسحاق الشيرازي أبو بكر الخطيب يشبه بالدار قطني ونظرائه في معرفة الحديث وحفظه. Al-Shayrazi disait, Abu Bakr, on le fait ressembler, c'est-à-dire on le met au niveau de Ad-Daraqutni et ses semblables dans la connaissance du hadith et dans la mémorisation du hadith. Après, on a vu aussi au début du cours l'attestation de son cheikh Al-Barqani quand il l'a envoyé à Abu Nu'aym et qu'il a écrit une lettre alors qu'il n'avait que 20 ans et il a dit... En gros, il lui a dit, dans ce domaine, il a déjà un pied bien ancré, alors qu'il avait 20 ans. وقال أبو سعد السمعاني في الذيل كان الخطيب مهيبا وقورا ثقة متحريا حجة حسن الخط كثير الضبط فصيحا ختم به الحفاظ رحل إلى الشام حجا إلى آخره. السمعاني dans un de ses livres a dit, الخطيب était مهيبا وقورا, quelqu'un qui imposait la crainte et le respect, et quelqu'un de calme. Fiqa, c'était un homme de confiance, c'est-à-dire dans le hadith. Hujja, c'est une preuve en lui-même. Husn al-Khat, il avait une belle écriture. Kathir al-Dabt, il maîtrisait parfaitement, c'est-à-dire sa science et son hadith. Fasihan, il était très éloquent. Khutima bihi al-Huffaz, c'est-à-dire les Huffaz se sont arrêtés à Al-Khatib. C'est lui qui a scellé la chaîne des Huffaz. Et c'est-à-dire qu'il le met, il le classe parmi la chaîne des grands, les descendants des grands Huffaz et des grands Muhaddithin. وقال الذهبي الإمام الأوحد العلامة المفتي الحافظ الناقد محدث الوقت صاحب التسانيف وخاتمة الحفاظ. الذهبي a dit de lui الإمام الأوحد, c'est-à-dire l'imam unique, al-allama al-mufti, donc le grand savant, mufti, al-hafid, le grand mémorisateur, al-naqid, c'est-à-dire qui critique. Naqid, c'est dans le sens où il a la possibilité et la capacité de critiquer, de remettre en cause, notamment les rapporteurs du hadith. Muhaddithul waqt, le muhaddith de son époque, celui qui a écrit beaucoup de livres, et il est le sceau des huffar, c'est-à-dire des grands savants du hadith. قال ابن الأثير وكان إمام الدنيا في زمانه. Ibn al-Athir, lui, dans son livre d'histoire, a dit tout simplement, c'était l'imam de la vie de ce bas monde à son époque. Yani c'était le guide à son époque. وقال ابن خالد كان وكان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين وفضله أشهر من أن يوصف. Ibn Khalid Khan disait, il faisait partie des grands mémorisateurs, mutqinin, c'est-à-dire qui maîtrise parfaitement ses hadiths. Et il faisait partie de l'ulama al-mutabahirin, c'est-à-dire les savants qui avaient une connaissance très large, énorme. Et son mérite est si connu qu'on n'a pas besoin de le décrire. وهكذا تضافرت الأقوال في مدحه والثناء عليه وبيان شرفه وعلمه وحفظه وإتقانه وفيما ذكرته كفاية. Donc il dit, donc voilà, notamment certaines louanges qui ont été faites dans sa mémorisation, sa maîtrise, etc. Maintenant, on va voir un point suivant. At-tu'un allati wujjihat ila al-khatib. Les critiques qui ont été dirigées vers al-khatib. Et là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve les êtres humains, non seulement par les épreuves qu'on a vues, dans le sens où il a risqué sa vie, il devait se sauver, etc., mais il les éprouve même dans leur honneur. Et n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier est le plus grand qui a été éprouvé dans son honneur lorsqu'on a accusé sa femme d'avoir commis la fornication. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on voit la sunna d'Allah, comment il diversifie les épreuves sur un être humain. Ça peut être dans la maladie, ça peut être dans les biens, ça peut être dans la perte d'un proche, et ça peut être aussi sur le fait que des gens t'accusent de ce que tu n'as pas fait. Et ça touche en premier lieu les savants. On va voir donc ce dont a souffert Al-Khatib dans ce domaine. أكثر الذين وجهوا طعونا إلى الخطيب هو ابن الجوزي حتى إنه ألف في ذلك كتبا ثلاثا. Normalement, il dit quoi? كتبا ثلاثة تن. وهي السهم المصيب في الرد على الخطيب. ثانيا التحقيق في أحاديث التعليق. وثالثا الانتصار لشيخ السنة أبي عبد الله محمد بن نقطة الحنبلي. Donc ceux parmi ceux qui ont vraiment critiqué Al-Khatib, il y a Ibn al-Jawzi. Donc pas Ibn Qayyim al-Jawziya. Ibn al-Jawzi. On fait la différence entre Ibn Qayyim al-Jawziya et Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, c'était un savant de Baghdad qui est venu après Al-Khatib. Et il l'a critiqué notamment dans trois livres qui ont été cités. Et il y en a un carrément, il s'appelle As-Sahm al-Musib fi Raddi al-Khatib. C'est-à-dire la flèche qui atteint son but dans la critique de Al-Khatib. Il a appelé son livre comme ça. Et aussi dans son livre Al-Muntazam, dans la biographie d'Al-Khatib, il lui a dirigé beaucoup de critiques. Et on va voir que toutes ces critiques, elles sont sans fondement de la part d'Ibn al-Jawzi. Al-Mat'an al-Awwal ittihamuhu fi mukhalafati madhhabi Ahmad fi al-Aqidah. Donc ça déjà, c'est un peu un comble et un paradoxe. La première critique, c'est quoi? Ibn al-Jawzi reproche à Al-Khatib al-Baghdadi de ne pas être sur la aqida de l'imam Ahmed rahimahullah. Donc venant de la part d'Ibn al-Jawzi, c'est un comble. Puisque dans son livre Talbis Iblis, il met un chapitre complet pour t'expliquer qu'Allah n'est pas au-dessus des sept cieux. Donc c'est un comble que lui critique Al-Khatib de ne pas être sur la aqida de l'imam Ahmed, alors que lui-même il n'était pas dans beaucoup de points. Donc il a dit wal jawab annahu qad taqaddama fi tarjamati al-Khatib qawluhu fi as-sifat. Bref, donc il ne s'est pas étendu ici, il dit, la réponse à ça, c'est la parole qu'on a lue tout à l'heure. On a vu qu'à propos de Sifat et de la Aqidah, il avait la Aqidah de Salafus Salih, qui est la même Aqidah que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Donc les critiques, elles ne peuvent pas lui être, et c'est justement peut-être à cause de la déviance d'Ibn al-Jawzi dans la Aqidah, qu'il a cru que le Khatib, il était déviant. Alors qu'en vérité, c'est le Khatib qui était conforme à la Aqidah de l'imam Ahmad, rahimahullah. المطعن الثاني اتهامه في سلوكه La deuxième accusation, c'est dans son comportement. وفي هذا المطعن اتهامه بشرب الخمر واتهمه بذلك بعض مبغضيه والذي يروي الخبر ياقوت في معجم الأدباء عن ابن السمعاني عن عبد العزيز عن عبد العزيز النخشي. Il a été accusé de boire de l'alcool. Et c'est des gens qui le détestaient qui l'ont accusé de ça. Et celui qui a rapporté ça, c'est Yaqut, dans son livre Mu'jam al-Udaba. Et il a rapporté de Ibn Sam'ani, qui le rapporte de Abdul Aziz al-Nakhshi. وَالنَّخْشِ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادِ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِ هَذَا النَّقْلِ. Or, al-Nakhshi, celui-là qui a rapporté l'histoire, il ne fait pas partie des gens de Bagdad. Et en plus, il ne fait pas partie non plus des gens de confiance dont on peut prendre ce genre d'informations. لأنه لو كان معلوما عن الخطيب ذلك لنقله عنه أهلها ولا علم ذلك منهم. Car si c'était vrai, c'est d'abord les gens de Bagdad qui auraient répété ça. Et en plus, ça se serait connu, puisque le khatib c'était pas un inconnu. خاصة وأن له أعداء ينتظرون منه الهفوة والزلة. Surtout que le khatib avait beaucoup d'ennemis qui attendaient de sa part une erreur pour pouvoir l'accuser. Or, ils n'ont jamais critiqué d'avoir bu. ثم إن هذا الصنيع عن الخطيب بعيد وقد مر بنا مناقبه وأخلاقه فكان يقرأ كل يوم ختمة ويملي الحديث ويرحل في طلبه حتى ذاكره شيوخه وأخذوا عنه ثم عفته وطهارته وكل ذلك يدل على كذب مثل هذا الافتراء. Or, on a vu déjà les comportements et la piété del khatib. Donc c'est très lointain et c'est très peu probable ce qui a été raconté sur lui, alors qu'on a vu que tous les jours il lisait le Coran une fois en voyage, que c'était quelqu'un qui était occupé par le fait de réciter les hadiths et de voyager pour les réciter, pour les prendre et pour les réviser. Et on a vu aussi que c'était quelqu'un loin de dunya et ça est chaste. وكذلك في هذا الباب يتهم بأن سبب خروجه من دمشق أنه كان يختلف إليه صبي مليح فتكلم الناس فيه وكان أمير البلد رافضيا متعصبا فجعل ذلك سببا للفتك بالخطيب إلى آخره. سبحان الله العظيم. Une autre critique par laquelle il a été accusé, c'est que quand il était à Damas, soi-disant, il y avait un beau petit garçon qui allait souvent chez lui. Donc les gens, ils ont commencé à dire que. Et l'émir de la ville, c'est pas étonnant puisque c'était un rafidi, c'était un chiite. Donc c'est lui qui a utilisé, qui a inventé cette histoire pour pouvoir prendre comme excuse pour pouvoir virer Al-Khatib et l'expulser. Donc on voit comment parfois les critiques peuvent aller très loin et comment Allah subhanahu wa ta'ala éprouve Ahlul Ilm et il éprouve les savants. والجواب عن هذه التهمة كسابقتها والظاهر أنها حكاية ملفقة فيبعد لرجل مثل الخطيب المعروف بالسيرة الحسنة أن يدنسها في شيخوخته بمثل هذا العمل القبيح. وقد أحسن الشيخ المعلم رحمه الله في رد هذه الطعون في كتابه التنكيل وقد استفدت بعض ما نقلته هنا من كتابه. Et dit, la réponse à cette accusation, c'est comme l'autre. C'est que, en apparence, c'est une affaire inventée, tout simplement. Elle n'a pas de preuve. Et en plus, c'est contradictoire de la part d'un homme tel qu'El Khatib, dans sa vieillesse, avec la vie qu'il a passée, qu'on vient d'étudier, qu'il fasse ce genre de choses. C'est vraiment peu probable. Et le Shir dit aussi que, Al-Shir Al-Mu'allimi, donc Abdurrahman, c'est ça, Al-Mu'allimi. C'est Yahya ibn Abdurrahman, c'est ça, Al-Mu'allimi. Rahimahullah, c'est un savant contemporain du Yémen. Il a écrit dans son livre At-Tankil beaucoup de choses en défense, justement, et pour repousser les accusations qui ont été dirigées envers Al-Khatib. Et le Cheikh ici dit, j'ai beaucoup profité de ce livre dans ce domaine. Donc celui qui veut plus de précision, il peut retourner à ça. Al-Mat'an al-Thalith ittihamu fi tasnifihi. La troisième accusation, c'est dans son écriture et dans ses livres. Qala Abdul Jawzi. وقد روى لنا عن أبي الحسن بن الطيوري أنه قال أكثر كتب الخطيب مستفادة من كتب الصوري ابتداء بها. Donc Ibn al-Jawzi a dit, Abu al-Hasan al-Tayyuri, il nous a été rapporté qu'il a dit que la plupart des livres d'Al-Khatib ont été pris des livres de Al-Suri, c'est-à-dire le Shirkoum, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Al-Suri, qui était de la ville de Sour. Wal-jawab est la réponse. Awwalan. Déjà la réponse, sans lire la réponse. Est-ce que le khatib, avec la vie qu'on vient de voir, est-ce qu'il a besoin de prendre les livres de quelqu'un? Lui, ses chouyours, il prenait les livres de lui. Il prenait les hadiths de lui. Awwalan, lam yusam ibn al-Jawzi sanadahu an ibn al-Tayyuri. Premièrement, ibn al-Jawzi n'a pas dit qui était son intermédiaire entre lui et Abul Hassan ibn al-Tayyuri. Il dit, on nous a rapporté qu'ibn al-Tayyuri a dit. Mais qui t'a rapporté? Donc on voit que l'islam, c'est quelque chose de précis. On ne rapporte pas des choses comme ça. S'il cite son témoin, d'accord, mais là il n'a rien cité. On nous a rapporté, donc déjà c'est rejeté. Deuxièmement, tout ce qu'il y a dans les livres d'Al-Khatib al-Baghdadi, il lui donne une chaîne de transmission, même vers des ulama. Donc, il ne peut pas tromper les gens, il n'a pas pu mentir. ثالثاً لماذا لم يبرز لنا ابن الطيوري شيئاً من مصنفات الصوري التي يتهم فيها الخطيب وقد كان ابن الطيوري من أخص الناس بالصوري. Troisièmement, pourquoi cet homme qui a accusé le khatib, qui est censé, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il l'a fait, Ibn al-Tayyuri, pourquoi il ne montre pas dans quel livre al-Khatib aurait pris de al-Suri, puisque lui-même, cet homme-là, Ibn al-Tayyuri, c'était quelqu'un de proche de al-Suri. لذا فإننا نجد الحافظ الذهبي يعاقب على هذا المطعن فيقول ما الخطيب بمفتقر إلى الصوري هو أحفظ أوسع رحلة وحديثا ومعرفة. Et الذهبي, pour défendre Al-Khatib, a dit dans son livre, il a dit Al-Khatib, il n'avait pas besoin de Souri. Il avait une science plus large que lui, une connaissance plus large, et il a voyagé plus que lui. Donc lui qui est en plus de science, est-ce qu'il a besoin de prendre d'un autre, c'est-à-dire de cacher, alors qu'en vérité il a pris de quelqu'un? Ça c'est stupide de dire ça. Al-Mat'an al-Rabi'a. Pourquoi on lit ça? C'est parce que ça, on peut en retirer des morales dans ce qui se passe parfois entre certains étudiants en sciences religieuses ou certains chouyours. Il faut savoir que des fois ça peut ne pas avoir de fondement, ça peut être basé sur des choses personnelles, donc il ne faut pas se lancer, être le premier à se jeter dans une fitna avant d'avoir vérifié d'où elle vient. Al-Mat'an al-Rabi' ta'assubuhu lil-madhhab al-Shafi'i. La quatrième insulte, ou quatrième plutôt, pardon, accusation, c'est le fait qu'il soit muta'assib, fanatique du madhhab de l'imam Shafi'i. Donc là encore, c'est paradoxal, puisqu'à l'époque, tous les savants, ils adoptaient un madhhab. Donc je ne vois pas en quoi on pourrait l'accuser de ta'assub. وخلاصة هذه التهمة أنه ذكر بعض الأئمة بصفات لم يذكرها للشافعي فقد قال في الإمام أحمد سيد المحدثين فقالوا لم يصفه بالفقه. Regardez, quand on veut chercher une erreur, on va la trouver. Ils ont dit, Al-Khatib, quand il a parlé de l'imam Ahmed, il a dit سيد المحدثين, le chef des gens du hadith. Pourquoi il ne l'a pas dit dans le fiqh aussi? Pourquoi il n'a pas dit aussi, par exemple, Sayyid al-Fuqaha? Donc là, c'est vraiment chercher la petite bête. Wal jawab, annahu dhakarahu bi akhassa wa ashhara sifatihi wa lam yanfi anhu al-fiqh wa yumkinuka an turaji'a jawab al-muallimi fi kitabihi al-tankil. Il dit la réponse, c'est qu'il l'a mentionné par la qualité de l'imam Ahmed, qui était la plus connue. Et l'imam Ahmed, par quoi il s'est distingué surtout? C'est par le hadith. Donc il l'a nommé par ce par quoi il s'est distingué. Comme Al-Shafi'i s'est distingué par le fiqh, l'imam Ahmed s'est distingué par le hadith. Et l'imam Shafi'i lui-même, il le reconnaissait. Là maintenant, il cite les chouyours de Al-Khatib al-Baghdadi. Donc nous, on ne va pas les citer. Il en a cité 50 ici. Après, il a cité ses élèves. Et il en a cité 29. Bien sûr, parmi ceux qui sont très connus. Donc on ne va pas s'attarder sur ça, puisque la plupart des noms, ils ne nous parlent pas. Par contre, on va voir un peu les livres qu'il a fait, Al-Khatib al-Baghdadi. Premièrement, il a écrit dans le hadith. Donc il dit d'abord le shir, « لقد ترك لنا الخطيب رحمه الله مكتبة حافلة من مؤلفاته هي نتاج علمه وثمرة جهده. » Il dit le shir dit, « Al-Khatib nous a laissé une grande bibliothèque qui est le fruit de sa science et le fruit de ses efforts. » وحسبك ما قاله الحافظ أبو بكر ابن نقطة وهو يصف مصنفاته فيقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. Et ça nous suffit la parole qu'il avait dit Ibn Nuqta, qu'on a vu tout à l'heure, quand il a dit « Tous les gens du hadith qui sont venus après lui sont les enfants de ses livres. » Donc là, il va citer certains livres qui ont été cités par le docteur Akram Dhiya al-Omari, qui est donc, hafizahullah, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mawarid al-Khatib al-Baghdadi fi tarikh al-Baghdad », c'est-à-dire les sources de al-Khatib al-Baghdadi. Donc premièrement dans le hadith. Donc dans le hadith ici il a cité 18 livres. Donc c'est des livres en fait musnada. Donc avec des chaînes de transmission remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ahadith al-mukharraja. Ensuite pareil, des livres où il a fait le tahrij, c'est-à-dire où il reprend les hadiths et il les remonte avec des chaînes de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il a fait Atraf al-Muwatta. Il a donc un travail sur Al-Muwatta. Juz'un fi ahadith Malik ibn Anas Awali. Par exemple, il a fait aussi un livre sur les hadiths de l'imam Malik, mais Aliya, c'est-à-dire qui ont des chaînes de transmission les plus courtes possibles. Etc. etc. Ce genre de Al-Fawa'id aussi. Al-Fawa'id, ça peut être les hadiths d'un muhadith qu'il avait et que les autres n'ont pas eu. Donc lui, il les met dans un livre pour bien les différencier. Donc là, il a cité 28 livres différents. Après, dans Mustalah al-Hadith, c'est-à-dire les sciences du Hadith et le lexique du Hadith, il a cité ici 4 livres. Et son plus connu, c'est Al-Kifaya fi ilmir riwaya. Donc, comme je vous ai dit, Mustalah al-Hadith, elle n'avait pas été mise à l'écrit, cette science. Elle était dispersée dans des écrits et elle se transmettait aussi oralement et elle se pratiquait. C'était une science pratique. Jusqu'à ce qu'arrive Ar-Rahm al-Muzi au 4e siècle et il a écrit son livre. Et ça a été suivi par d'autres efforts. Et Al-Khatib, lui, il a fait un effort plus élaboré avec son livre Al-Kifaya, qui allait devenir donc la référence dans le sujet. Et il a cité donc encore d'autres. Adab al-Muhaddith. Il a cité aussi des livres dans les Adab, c'est-à-dire les comportements des gens du Hadith et les comportements des étudiants. Par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle « Iqtida ul ilmi l'amal », c'est-à-dire « Comment la science implique l'acte », pour montrer que la science, elle se recherche pour être appliquée. Il a écrit un livre sur ça. Il a écrit aussi « Sharafu ashab al-hadith », la noblesse des gens du hadith. « Nasihatu ahli al-hadith », conseil aux gens du hadith. « Al-rihlatu fi talab al-hadith », le voyage dans la recherche du hadith. Là, c'est un livre où il parle et il raconte aussi le voyage et des voyages, donc, dans le fait d'aller chercher les hadiths. Taqyid ul ilm. Taqyid, ça veut dire attacher la science. En fait, il veut dire par là l'écriture de la science. Et c'est Al-Khatib notamment qui a montré que justement l'écriture de l'ilm, et ce qu'ils appelaient l'ilm à l'époque, c'était le hadith. L'écriture du hadith, elle a commencé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle s'est continuée à l'époque des tabi'in. C'est Al-Khatib qui l'a montré dans son livre Taqyid ul ilm. Al-Jami' li akhlaq al-rawi wa adab al-sami'. Donc un livre qui regroupe les comportements du rapporteur et les comportements de celui qui écoute. Donc on voit l'importance qu'ils donnaient, pas seulement à la science, mais au comportement de celui qui la recherche. Au point où ils écrivent des livres. Et ça, c'est une matière à part entière dans la Maktaba Islamiyya. Dans la bibliothèque de l'islam, c'est un sujet à part entière, dans lequel il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Et jusqu'à notre époque, avec Cheikh Bakr Abouzaïd, rahimahullah, qui a écrit son fameux livre sur Talab al-Ilm, qui est Hilyatu Talib al-Ilm, c'est-à-dire la parure du demandeur de science. Ensuite, il a écrit aussi, donc là on est arrivé à 38 livres, il a écrit aussi des livres sur les hommes du hadith, c'est-à-dire sur les rapporteurs. Donc que ce soit sur leur biographie ou alors pour les juger, est-ce qu'ils sont bons ou pas. Par exemple, il a fait Al-Asma al-Mubahama fil Anba'i al-Muhkama. Donc là, c'est au niveau des noms. Al-Khatib, il a donné de l'importance aux noms des rapporteurs. C'est-à-dire à bien corriger leurs noms, au niveau des voyelles, au niveau de leur écriture, etc. Ici, par exemple, il a un livre, Al-Asma al-Mutawati'a, ou Al-Ansab al-Mutakafi'a. C'est-à-dire les noms qui se ressemblent. Différents rapporteurs qui ont un même nom. Al-Khatib, il te les met dans un livre. Voilà, ce nom-là, il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça, c'est un tel, un tel, un tel, pour que tu les différencies. En fait, les livres d'El-Khatib, pour un savant en sciences du hadith, c'est des outils qu'il va utiliser. Il a aussi écrit un livre, comme ici il le cite, sur Ar-Rasm, ou Al-Tashrif, c'est-à-dire sur l'écriture et les erreurs qui ont été commises dans l'écriture des noms des rapporteurs du hadith. Donc vous imaginez jusqu'où ça va. Qu'est-ce qu'il a cité encore ? At-Tabiyin li Asma'il Mudallisin fi Juz'ayn. Donc un livre en deux tomes qu'il a écrit sur les noms des Mudallisin. Al-Mudallisin, c'est une catégorie de rapporteurs du hadith qui font ce qu'on appelle Tadlis. Tadlis, c'est quoi ? C'est que par exemple, quelqu'un, il est connu pour avoir entendu le hadith de tel shir, mais certains hadiths, il ne les a pas entendus directement du shir, il les a entendus avec un intermédiaire. Mais pour cacher cet intermédiaire, il va dire selon le shir. Donc il ne ment pas. Il ne dit pas j'ai entendu le shir me dire. Vous avez compris ? Parce que s'il dit j'ai entendu le shir me dire tel hadith, il va mentir. Parce qu'il ne l'a pas entendu. Donc il va dire selon. Il te laisse imaginer qu'il a entendu du shir, mais ce n'est pas vrai. Donc d'un côté, il a gagné le fait qu'il cache son intermédiaire, et en même temps, il ne ment pas. On appelle ça tadlis. Donc il y avait beaucoup de rapporteurs qui le faisaient, il fallait les connaître. C'est pour ça que les ulama du hadith ils se sont occupés d'écrire des livres sur ça. Et Al-Khatib, il l'a fait. Il y a aussi sur Al-Mubaham, c'est-à-dire les noms. Par exemple, si on dit An Muhammad, selon Muhammad, c'est qui ? C'est Muhammad fils de qui ? Un tel, etc. Donc il te dit. Il y a des livres sur ça, sur quand Abu Daoud dit par exemple selon un tel, et il cite qu'un prénom, c'est qui ? Est-ce que c'est un tel ou l'autre ? Si c'est Abu Daoud qui dit ça, ça sera plus un tel, etc., etc. Après, il a fait un livre aussi sur Al-Maqloub, min al-Asma'i wal-Ansab, c'est-à-dire les noms qui ont été retournés, c'est-à-dire dans lesquels les gens se sont trompés, ils les ont retournés. Par exemple, pour lui dire Muhammad ibn Ahmed, il dit Ahmed ibn Muhammad. Donc lui, il te corrige ça et il te montre ça. Ar-Ruwat ou An-Shu'ba. Donc là, je vous dis des exemples pour qu'on voit un peu sur quoi il a écrit. Et la largesse et la profondeur. Ar-Ruwat ou An-Shu'ba. 8 tomes. Bien sûr, 8 tomes de son époque. C'est-à-dire, ils n'étaient pas gros, ce n'étaient pas des gros tomes comme ça, mais quand même. C'est ceux qui ont rapporté le hadith de Shu'ba ibn al-Hajjaj. Donc il va citer tous les rapporteurs et tous les élèves qui ont répété le hadith selon Shu'ba. Ar-Ruwat an Malik. Wa dhakara hadith li kullin minhum fi tis'ati ajza. Un livre où il cite tous les rapporteurs selon Malik. C'est-à-dire tous ceux qui ont répété des hadiths de l'imam Malik. Et pour chacun, il cite des hadiths. C'est hallucinant. Et il les classe par ordre alphabétique. Il a cité dedans 997 bonhommes dans ce livre. Riwayat al-Sahaba an al-Tabi'in. Des hadiths qui ont été rapportés par des compagnons des Tabi'in. Alors que normalement, c'est les Tabi'in qui rapportent des compagnons. Lui, il te montre quel hadith, parce qu'il pouvait arriver que des compagnons comme Ibn Abbas, Ibn Zubayr, ils rapportent de grands Tabi'in, qui pouvaient même être plus vieux qu'eux. Donc ça pouvait arriver. Et riwayat al-Aba an al-Abna, les pères qui rapportent des fils. Il te fait un livre sur ça, sur certains rapporteurs qui ont rapporté de leurs fils. Al-Muttafiq wal-Muftariq. Donc ça, si je me souviens bien, al-Muttafiq wal-Muftariq, c'est sur les noms qui se ressemblent et ceux qui, il y en a qui se ressemblent pas, c'est-à-dire qui sont différents. Man haddatha wa nasi. Allahu Akbar. Man haddatha wa nasi, c'est un livre, c'est-à-dire, il te parle des rapporteurs qui ont rapporté des hadiths et plus tard ils les ont oubliés. Ça a arrivé. Il y a des rapporteurs, par exemple, devant eux, le rapporteur, il lui dit, tu m'as rapporté que. Et lui, il dit, j'ai oublié. Et ça a arrivé. Donc lui, il fait un livre où il te montre les exemples. Man wafaqat kunyatuhu isma abihi, mimman la yu'minu wuqu' al-khata'i fihi. Yani, il dit celui dont la kunya est pareil au nom de son père, mais dans lesquels on craint qu'il y ait des erreurs. Tout ça, c'est sur les noms, c'est pour bien différencier les rapporteurs du hadith. Al-mukmil ou al-mukammal fi bayan al-muhmal ou al-mukmal fi bayan al-muhmal. C'est-à-dire là, il te montre, c'est un livre qui parle de al-muhmal, c'est-à-dire les rapporteurs dont on ne dit pas ibn Intel. On le laisse comme ça. Par exemple, Muhammad. Il y a à la fois Mubhab et à la fois il y a Muhammad. C'est-à-dire, on ne dit pas Ibn Atel. On ne cite pas son père ou sa tribu ni rien. Donc lui, il va te citer aussi sur ça, pour les distinguer. Al-Wafayat. Kitab al-Wafayat. Al-Wafayat, c'est-à-dire la date des morts des rapporteurs du hadith. Ça, c'est important. C'est aussi une science dans les sciences du hadith et une science outil dans les sciences du hadith. السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة الراويين عن شيخ واحد. Donc là c'est un livre qui te montre l'éloignement qu'il peut y avoir entre deux rapporteurs qui ont rapporté d'un même cheikh. On avait vu, c'est un exemple dans la vie de qui? L'imam Malik, rahimahullah. On avait vu que Az-Zuhri, le propre cheikh de l'imam Malik, a rapporté un hadith de lui. Et à un autre, il avait rapporté de lui, et entre leurs morts, il y avait, si je me souviens bien, c'était 80 ans. Donc, ils ne sont pas rencontrés, et les deux, ils ont rapporté de l'imam Malik. Donc là, je vous cite, c'est juste des exemples, c'est pour qu'on voit un petit peu. Donc, vous imaginez pas que les livres, je les ai lus, bien sûr. Mais certains livres, nous, on les a, à l'école, on les a pas étudiés, mais... quand on faisait les matières du hadith, il nous expliquait ce que c'était que ces livres, qu'est-ce qu'il y avait dedans, le sujet, etc. Après, il a écrit dans At-Tarikh, dans le sens où on l'a vu tout à l'heure. Donc, il a fait Tarikh ou Baghdad. Donc, c'est-à-dire, il explique. Donc, là, il le dit justement. Il dit il y a la vie dedans des califes, des émirs, des ministres, des chefs, des juges et autres parmi les gens connus, des gens de Baghdad. Plus. Les gens du hadith, etc., etc. Les gens de Baghdad. Donc, faut pas croire que c'est un livre d'histoire dans le sens, comme on a dit tout à l'heure, il était une fois la ville de Baghdad. C'est pas ça. C'est des noms, en fait. C'est des biographies. Il a écrit aussi Manaqib al-Shafi'i et Manaqib Ahmed ibn Hanbal. Donc, c'est-à-dire les mérites de l'imam Shafi'i. Et il a aussi écrit un même livre sur Ahmed ibn Hanbal. C'est-à-dire pour faire des éloges à l'imam Ahmed. Après, il a aussi écrit dans Al-Aqaid, c'est-à-dire dans la Aqida. Ici, il a cité trois livres. Mas'alatul Kalam fi Sifat. Donc, le fait de parler sur les attributs d'Allah. Après, il a aussi parlé de donc Al-Qawlu fi Ilm al-Nujum. Un livre dans lequel il blâme la science des étoiles, c'est-à-dire l'astrologie. Après, il a écrit aussi dans Usul al-Fiqh, les règles et les fondements du fiqh. Son livre le plus connu, c'est Al-Faqih. Ou Al-Mutafaqih, c'est celui-là en fait. C'est celui généralement. Il fait deux volumes. Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Et un autre aussi qu'il a cité. Al-Dala'il ou Al-Shawahid ala Sihat al-Amali bi Khabari al-Wahid. C'est un livre où il prouve qu'on a le droit d'argumenter et d'agir et d'appliquer les hadiths qui sont rapportés par un seul rapporteur. En réponse à qui? À Ahlul Kalam, c'est-à-dire aux philosophes qui ont inventé à peu près. 3-4 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand un hadith il nous vient d'un petit nombre ou d'une personne, on ne peut pas le prendre. Ils ont inventé ça. Et lui, il leur a fait. Donc il a expliqué le contraire. Après, il a différents livres. Par exemple, ici, il cite Nahju al-Sawad fi anna al-Tasmiya ayatun min fatihat al-Kitab. En deux volumes, pour montrer que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset de la Fatiha. Ou alors Ibtal al-Nikah bi ghayri wali. Un livre sur pour montrer que le mariage sans tuteur n'est pas valable. Donc pour répondre au Hanafite, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a écrit encore? Zikru salat al-tasbih wa al-ahadith allati ruyat an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam fiha wa ikhtilaf al-alfaz al-naqilin. Un livre sur salat al-tasbih. Al-ghusl lil-jumu'ah, sur le lavage du jumu'ah. Al-qada'u bil-yamin ma' al-shahid. Ça aussi en réponse au Hanafite. Le fait de juger en suivant un témoin et un serment, c'est-à-dire sans deux témoins, mais simplement avec un témoin et le fait que celui qui accuse l'autre jure, comme le dit le hadith. An-nahyu an sawmi yawm ash-shakk, l'interdiction de jeûner le jour du doute, c'est-à-dire le 29, celui où on doute, est-ce que ça va être le 30 de Sha'ban ou le 1er de Ramadan. Al-wudu ou min masjid zakar, les ablutions pour celui qui a touché, c'est parti. مسألة الاحتجاج للشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه. Un livre où il a défendu الشافعي, etc. etc. Donc il a aussi écrit des livres sur الزهد الرقائق, c'est-à-dire les choses qui font du bien au cœur et l'ascétisme. Donc voilà pour ce qui concerne les livres. Donc on a fini. Après, donc dans le livre que j'ai ramené, il commence par le livre de. Il parle du livre en lui-même. Donc voilà pour Al-Khatib al-Baghdadi. Donc comme on répète, Al-Khatib al-Baghdadi, c'est quelqu'un. Chaque personne de Ahl-Sunnah jusqu'au jour du jugement, il lui devra quelque chose. Parce que tout, si jusqu'à maintenant, on authentifie des hadiths, et au contraire, on les classifie parmi les hadiths qui ne sont pas authentiques, c'est parce qu'on utilise notamment les travaux d'Al-Khatib. Même si on ne les utilise pas directement, on utilise des écrits qui sont eux-mêmes inspirés et tirés des écrits et des travaux de Al-Khatib al-Baghdadi. Donc regardez cette vie qu'on vient d'étudier. Une vie complètement passée jusqu'à 71 ans dans l'ain, dans la science, à la fois dans la prise de la science et l'apprentissage de la science sans jamais s'arrêter. On voit qu'il s'est assis tardivement. À 70 ans seulement, il s'est dit, tiens, je rentre à Bagdad, ça y est, je bouge. À 70 ans. Et finalement, il est resté calme. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.